Tonight on Across the Board, I have a very long distance request going out to France, here in Minnesota, United States. I am broadcasting starting at 2 a.m. In Europe, I would basically be morning drive time, pre-lunch, depending on where you are in Europe. But this one is going out to my friend Lidvine, who lives in France. And I asked her for a set of music that was popular in France, but was not popular here in the United States. And so that's where we are going to next here in this set. So let's just enjoy this. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu te ramènes devant, que tu sois là de temps en temps. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu m'appelles plus souvent, que tu prennes parfois le vent. Et je voudrais que tu te rappelles notre amourette éternelle et pas artificielle. Je voudrais que tu sois celle que j'entends. Allez,

noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundial Misión para gritarles a la FIFA que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola. Bien sûr que tu l'entends. Le murmure assourdissant et permanent. Il a envahi la ville et les esprits. Il arpente les rues en hurlant. Le murmure assourdissant et permanent, comme un bruit parasite à l'intérieur qui t'épuise, qui souffle à l'oreille de chacun. T'es mauvais, bon à rien, tu seras jamais assez bien, qui te répète. T'es comme ça ou tu devrais, ça changerait rien si tu changeais. Le murmure assourdissant et permanent qui espère te mettre à terre en te criant « Essaie pas de refaire l'histoire, t'y arriveras jamais, c'est trop tard, c'est baisé, c'est imprimé dans les mémoires. » Le murmure assourdissant et permanent qui te fait croire qu'il n'y a pas de rédemption, pas de pardon, pas de rachat, pas de rémission. Et tu l'acceptes? Tu le laisses rentrer? C'est impossible. Alors faut pas pleurer, parce que ça va aller, je te le promets, ça va aller.